إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on en est arrivé donc au cours numéro 16 des explications des 40 Nawawi. Et on va commencer, Inch'Allah, aujourd'hui, le pilier numéro 2, hein, sur la salate, c'est-à-dire la description de la salate, la description des ablutions et de la salate. Donc on avait mentionné, en fait, la semaine dernière, concernant... l'eau des ablutions, on veut utiliser une eau. Quelle est la condition pour que l'eau puisse être utilisée? C'est une question? Ouais, c'est une question, réponse j'attends. Il faut qu'elle soit. Faut qu'elle ne change pas de goût, ni de couleur, ni d'odeur. Faut que. Barakallahu fik bekhan, c'est exactement ça. C'est-à-dire une eau. Eh bien, il faut que ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur a été modifié. Et on se rappelle que toute eau, la règle, c'est que toute eau qui est descendue des cieux ou qui provient de la terre est pure. Cependant, alors, on se rappelle que lorsque maintenant une eau est pure et on la mélange avec quelque chose de pur, est-ce que cette eau-là elle reste pure ou pas? Elle doit rester pure, oui. Elle reste pure. Quelle est la preuve de cela? Plus pur, ça fait pur. C'est la preuve, j'ai dit. Ça va avoir le salam de l'éthique que tout ce qui descend des cieux reste pur, enfin tant que son odeur, son goût et sa couleur n'est pas. C'était le hadith, non? C'était lorsque les femmes allaient laver sa fille qui est morte. Il a dit de mélanger l'eau avec des feuilles de lotus. D'accord? Et de mettre du camphre aussi. Vous savez le camphre qu'on écrase et qu'on met. Donc lorsque cette eau-là est utilisée pour les ablutions, d'accord, du mort. Donc on se rappelle que lorsque l'eau elle est mélangée à quelque chose de pur, elle reste pure, d'accord. Elle reste pure tant qu'elle est mélangée à quelque chose de pur. Mais lorsqu'une eau est mélangée avec quelque chose d'impur, quelle est la condition pour qu'on puisse utiliser cette eau? Comme tout à l'heure. C'est-à-dire que ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût ne doivent changer. Si l'un des trois a changé, alors on ne peut pas utiliser cette eau-là pour les ablutions. D'accord? On se rappelle le hadith du puits de Bouddha. C'est un énorme puits. Cependant, dans la description du hadith, on avait lu que dans cette eau-là, dans ce puits-là, y est jeté des bêtes qui sont mortes, des serviettes pour nettoyer les menstrues et tout ça. Tout ça, ce sont des impuretés. On est d'accord? Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé les sahaba à utiliser l'eau de ce puits de Bouddha pour faire les ablutions. Il y a deux points ici qu'on avait mentionnés. Est-ce que le savant avait mentionné sur ces points-là concernant ce puits-là de Bouddha? Que un, le puits, c'est pas les Sahaba qui jetaient des choses devant le puits. Barakallahu fik. Les Sahaba, ce sont, ils sont tous justes et corrects. Et ils n'allaient pas commencer à jeter des choses dedans alors qu'ils savaient que d'autres allaient faire leurs ablutions avec ça, avec cette eau-là. Donc, ce sont les pluies et les torrents qui ont amené ces choses-là. Donc, elles n'y étaient pas déjà présentes. Elles ont été amenées par les pluies et les torrents. D'accord? Dans ce puits de Bouddha. Deuxième point. Deuxième point. La caractéristique du puits de Bouddha, c'est que c'était. Ah oui, il était Barakallahu fiik. C'est un grand puits. Donc, lorsque l'eau est en grande quantité, même s'il y a des choses impures dedans, son odeur, son goût et sa couleur n'ont pas changé. D'accord? Donc c'est pour ça que c'était permis d'utiliser cette eau-là. C'est clair pour tout cela, inshallah. D'accord? Barakallahu fikoum. Donc, j'ai envoyé sur le groupe WhatsApp le format. Il faudrait que je l'imprime, inchallah, je l'imprimerai puis je le distribuerai la semaine prochaine sur la description des ablutions. D'accord? Sur comment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans la salle d'ablution là. On va montrer comment se font les ablutions. C'est vraiment un résumé parce que c'est pas des cours de fiqh, tu vois, c'est surtout axé sur la aqida. Donc on fait un résumé. Concernant les ablutions, on va pas s'étaler beaucoup dessus. Je vous ai envoyé un format. D'accord? On voit comment qu'on les fait selon la sunna. Donc on avait dit que minimum combien de fois? On se lave une fois. Ça c'est minimum. Y a-t-il un maximum? Trois. Oui. Et il n'est pas permis de faire au-dessus de trois. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre trois côtés. Ça va être compliqué par là, on va se mettre là. Justement, moi je vais le faire. Essayez de mettre des. Faites attention, ne faites pas de. Donc, moi je vais le faire. Je vais mettre ça là. On continue. Essayez d'avancer là. Attendez, je vous donne ça. Ça, ça et ça. Donc moi je viens pour faire mes ablutions, donc je me prépare là. Il faut déjà, la première chose que je dois avoir c'est quoi? C'est quoi la première chose? Hein? Non. L'intention, voilà, que l'on fait. Pourquoi? Quelle est la preuve? L'œuf ne vaut que par l'intention. Premier hadith de l'Arabie Nawawi, d'accord? Donc je remplis ça. C'est-à-dire que l'acte que tu fais, il doit être conforme à la sunna. Après, que si je dis oui, mais moi j'aime bien, pour le mal, c'est pas une question d'accord. Ah, ouais. Donc ça ne tient sur rien, ça. Donc ce qu'il y a, c'est que donc j'émets l'intention et je dis bismillah. Donc je commence à laver mes mains trois fois. Et c'est surtout fortement recommandé pour celui qui se lève. Parce que lorsqu'il se lève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'on se devait de laver nos mains parce qu'on ne sait pas, lorsqu'on a dormi, où est-ce qu'elles ont été. Donc, on lave nos mains, on dit, on a l'intention. Donc, l'intention se fait uniquement parce que c'est un acte du cœur. C'est une innovation de prononcer avec la langue. D'accord, en disant, ne oui, tout, l'oudou, ou bien j'ai l'intention de faire l'oudou, etc. Tout ça, ce sont des innovations, c'est interdit dans la religion. Donc, on fait l'intention à l'intérieur et on dit, bismillah. Et ensuite, on commence en lavant les mains trois fois. Et il faut éviter de, tu vois, lorsqu'on commence à faire les ablutions, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir. Ouais, tu vas bien, ça va, qu'est-ce que ça fait ce week-end? Oui, d'accord. Et puis il reste comme ça à attendre parfois. Parce que le problème, c'est que lorsqu'il commence à faire les ablutions, qu'il a lavé une partie, et s'il y a une partie qui a séché et qui continue son ablution, eh bien ça invalide l'ablution. D'accord? Parce qu'il faut s'assurer que tout est mouillé, du début jusqu'à la fin. Donc, je dis, j'ai fait l'intention, puis puis je dis Bismillah. Je fais trois fois les mains. Donc la sunna, c'est de faire ensuite le nez et la bouche en même temps. D'accord ? Ça, c'est la sunna. Donc, si on n'y arrive pas, eh ben, on s'entraîne. Bon, au départ, je m'entraînais jusqu'à ce que j'y arrive, parce que c'est une sunna. Je ne vais pas laisser une sunna, parce que je veux dire, c'est trop dur. Donc, il y en a, ils commencent à faire le nez trois fois, puis la bouche trois fois. Mais si on veut viser la sunna et avoir la récompense de la sunna, c'est donc de prendre l'eau comme cela. Et je rentre, mais il faut faire attention, hein, dès qu'on jeûne, il ne faut pas trop faire rentrer dans le nez. Il faut faire rentrer dans le nez et la bouche en même temps, d'accord ? Donc, tu prends comme ça et tu fais... Donc, c'est pas suffisant juste d'avoir dans la bouche, d'accord ? Et il faut s'assurer que ça rentre dans le nez et ensuite, on le fait ressortir l'eau, d'accord ? Je recommence. Vous voyez ? J'ai essuyé avec quoi ? Avec ma main gauche, d'accord ? Avec ma main gauche. Je fais comme ça. Je n'utilise pas la droite. La droite, j'utilise juste pour apporter l'eau. Donc, là, j'en fais deux. Je vais faire un troisième. D'accord ? Puis, je fais trois fois le visage. Trois fois. Vous voyez, je fais comme ça. Je monte jusqu'à la racine là. Et ça va faire tout le visage jusqu'en dessous de la barbe. D'accord ? Je fais comme ça. Le fait déjà comme ça. Oui, mais ça, on va le faire, ça. Et trois fois comme ça. Puis, avec ma main, je passe. Ça va porter la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc passer sa main à l'intérieur de sa barbe. D'accord ? Une fois. Je passe comme ça à l'intérieur de sa barbe. Une fois que j'ai fait donc, j'ai fait le nez, la bouche. Donc les mains trois fois, nez, la bouche, vous voyez, j'ai pris comme ça. Je rentre dans ma bouche et je rentre dans le nez. Il faut s'assurer que ça rentre comme ça et je ressors. Et que je fais remuer l'eau dans ma bouche et je ressors. Ensuite, je prends l'eau avec ma main droite et je dois la faire glisser tout le long et que je dois le passer avec ma main pour tout recouvrir. Donc, je fais comme ça. Vous voyez ? Une, et je reviens sur la main. Deux, et ça doit être au-dessus du coude. D'accord ? C'est pas on prend avec la main gauche et je fais comme ça. On prend qu'avec la main droite. Et je fais comme ça. Ça, ensuite on essuie. Et pour la main gauche, je vais pas prendre l'eau avec la main gauche et je vais faire comme ça. Je prends la main droite et je pose dans la main gauche. Et donc je fais comme ça. D'accord ? Et je reviens. Une. Deux. D'accord ? Et trois. D'accord ? Donc là... Bien fait au-dessus. Ça monte bien au-dessus. Ensuite, je mouille mes mains et je passe sur mes cheveux jusqu'ici. Et je reviens là. Et en même temps, je fais dans mes oreilles et derrière. D'accord ? Ça s'arrête là. Donc les innovateurs qui viennent avec ça, ils se tiennent sur rien. D'accord ? Il n'y a aucun hadith qui est authentique sur cela. Ensuite, je fais les pieds. Donc, les pieds, je vais le faire, c'est plus simple pour faire du début jusqu'à la fin, et après je montrerai avec les chaussettes. Donc les pieds, je dois laver les pieds, donc je ramène l'eau avec la main droite, mais je dois laver avec la main gauche, d'accord ? Donc je fais entre les doigts, entre les pieds, et je dois m'assurer que je monte au-dessus de la cheville, d'accord ? Et que j'ai fait tout le pied. Et ça, je le fais trois fois. Est-ce qu'on fait avec ce doigt-là ou on peut faire avec la main gauche ? Tu fais avec ta main gauche, tu le fais complètement. Après, s'il y en a qui veulent spécifier quelque chose, ils doivent apporter une preuve. Donc, si c'est authentique, alhamdoulilah, ils peuvent le faire. Mais si ça ne l'est pas, on ne le fait pas. Et donc là, je fais pareil, là. D'accord ? Je passe entre eux. Comme ça. Voilà. Et je m'assure que c'est bien derrière. Ensuite, je termine en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et j'ai fait mes ablutions, c'est bon. Donc là, c'est le cas où est-ce que j'ai dû faire mes ablutions dans la totalité. Là, j'ai fait mes ablutions dans la totalité. Ensuite, je mets mes chaussettes. Donc je les aurais mis en état d'ablution. D'accord ? À partir du moment où j'étais en état d'ablution et j'ai mis mes chaussettes, donc admettons après je perds mes ablutions, mais j'ai mes chaussettes qui sont mises, d'accord ? Et je ne les ai pas retirées. Eh bien lorsque je reviens pour faire l'eau, je fais exactement comme j'ai fait tout cela. Et arrivé au niveau des chaussettes, donc je mouille mes deux mains et je passe juste au-dessus, comme ça. D'accord ? Sur les chaussettes. D'accord ? Là, admettons que j'ai les chaussettes. Je passe juste comme ça, une fois. Parce que j'en avais vu, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'eau et il passait en dessous et dessus. Donc ça ne fait pas partie de la sauna. Ouais, c'est ce que je fais. D'accord ? Donc c'est juste comme ça. C'est-à-dire tu viens et tu mouilles un peu, tu mouilles un peu. Et ensuite tu fais juste, hop, et voilà, sur les chaussettes. D'accord ? C'est clair, on ferme les ablutions. Donc sur ce point de vue-là, alhamdoulilah, là maintenant on va passer à la description de la salette. Maintenant. Donc là on a fait les ablutions, maintenant on peut faire la salette. D'accord ? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la clé de la prière, c'est les ablutions. La clé du paradis, c'est la prière. Dans un autre hadith, exactement aussi. Donc ça c'est fait, bismillah. Donc, on va continuer, Inch'Allah. C'était clair pour les ablutions, hein? Oui. Il n'y a pas de... Donc, l'autre condition pour les chaussettes, pour faire le mesh, ce qu'on appelle le mesh essuyé, donc il faut que c'est en coton, et que ce soit au-dessus des chevilles. Donc les sockets qui sont là, on ne peut pas faire le masque. D'accord ? Parce qu'elle ne recouvre pas les chevilles. Donc il faut que ça recouvre les chevilles, ça va au-dessus des chevilles. Ouais, mais tu ne peux pas faire le masque si tu es en dessous. Donc ça couvre. Et même si tu as par exemple des chaussures en cuir, vous voyez très souvent ceux qui font le cours rouge là, de Jamar Tablil, ils mettent des... Vous voyez, comme les bottines qui sont en cuir. Avec, sur ça, tu peux faire le masque aussi. D'accord ? Parce que ça va au-dessus... des chevilles, et même si tu as des chaussures qui sont des montantes, qui sont en cuir et qui recouvrent donc la cheville au-dessus, tu peux faire aussi le masque. Comment ? Non, mais tu vérifies s'il n'y a pas d'impureté. C'est-à-dire si tu n'as pas marché sur je sais pas, des excréments ou quoi que ce soit. Comment ? Si tu as marché sur des excréments, si tu as lavé. Si tu as quelque chose avec des excréments, tu ne peux pas prier avec. Bah, tu laves et ensuite, alors tu peux prier avec. D'accord ? Pas besoin de les enlever. Non, parce que tu peux prier avec les chaussures. C'est pas une règle de t'enlèves. Il y a des mosquées où est-ce que les gens rentrent avec leurs chaussures. C'est pour ça, dès que j'entends certains dire ah oui, mais vous aimeriez pas hein, qu'on rentre dans une mosquée avec nos chaussures ? Je lui dis, mais rentre, il n'y a pas un problème. Cependant, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est pas, le problème n'est pas le fait qu'est-ce qu'ils rentrent. C'est le fait que là maintenant, parce que les gens mettent des tapis et tout cela, et puis tu veux pas savoir sur quoi t'apiler, donc tout le monde enlève les chaussures. Donc toi, si tu sais que lorsque tu vas rentrer avec des chaussures, ça va faire une fitna, donc il faut pas causer la fitna. D'accord ? Donc barakallahu fikoum. Donc ça c'était hein, pour les ablutions. Et je vais imprimer, inshallah, pour la semaine prochaine, mais je l'ai envoyé sur le groupe là. Mais t'as pas WhatsApp sur le. Sur j'ai le... pas WhatsApp du tout. Non, d'accord. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça. Donc Inch'Allah, je vais. Et t'as pas WhatsApp, Daoud ? Non, j'ai pas. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais l'imprimer, mais je suis juste en rupture d'encre donc actuellement. Là, c'est pour ça. Donc, barakallahu fikum. Donc là, on a fait les ablutions. Là, on est prêt pour. Pour la salette, d'accord. Donc la description de la salette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un résumé hein, du livre de l'imam l'Albani rahimahullah. sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un résumé. Hein. Donc, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vient pour se lever pour la prière, il se met en direction de la Qibla. D'accord ? Il se met en direction de la Qibla. En station debout et proche de la sotra. La sotra, c'est ce que tu dois mettre devant toi lorsque tu fais la prière. D'accord ? Voilà, tu mets une chaise, quelque chose qui soit assez élevé quand même. D'accord ? Une feuille comme ça devant, c'est pas une sotra. On est d'accord ? Ça doit être quelque chose qui doit avoir une certaine hauteur. D'accord ? Donc ça doit avoir une certaine hauteur. Et en plus, c'est que tu dois pas être éloigné de la sotra. Tu dois être proche. On va dire quelle est la distance qu'on peut avoir pour, entre toi et ce que tu mets devant toi dans la prière. C'est ce qui peut nous permettre de faire la salat en fait. Ouais. C'est-à-dire à peu près, tu te mets là, la distance de ton bras. Il y avait eu dans un hadith, un mouton ou une brebis passer. Une distance de... Non, parce que le prophète, il y avait un animal qui voulait passer entre lui et le mur, et ce qu'il y avait, c'est qu'il se rapprochait jusqu'à ce que son ventre soit proche du mur, pour pas le laisser. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque tu viens, donc c'est pourquoi je dis le bras, la longueur à peu près du bras, c'est ce qui fait à peu près donc ta distance entre toi et la sotra. Ta longueur de quoi faire un soujoud, une prosternation, et même s'il y a quelqu'un qui vient passer, tu peux l'arrêter et tu le repousses vers derrière toi. Tu peux faire ça? D'accord, oui, tu le fais. Je pensais que tu devais rester dans ta prière, tu devais pas faire de... Ah oui, donc tu le laisses couper, non, tu le fais, que les gens ils aiment ou ils aiment pas. On se souvient, un coup j'étais dans une mosquée, c'est comme ça je poussais l'individu. Un frère m'a dit, ouais, t'es pas content, le fait que tu es beau, ouais. Qu'il soit content ou pas, il passe pas devant ma prière. Et puis il y a un hadith en plus par rapport à ça. Exact. Le faire. Si fort, c'est un shaitan qui passe. Exactement. Barakallahu fik, akhi Daoud. Tu vois ? S'il veut forcer, tu vois ? C'est un shaitan. Donc tu dois complètement le. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu le combats en le repoussant. D'accord ? En le repoussant. Donc ce que tu commences à faire, c'est que tu. Dès que tu le vois qui vient venir pour passer, tu arrêtes comme ça en élançant ton bras, d'accord, mais tes yeux, ils doivent continuer à être en direction de, au niveau de où est-ce que tu fais la prosternation. Ton regard doit être là où tu fais ta prosternation, d'accord. Mais si, mais tu vois bien que même si je regarde là et que je bouge là, je vois la chose bouger, d'accord, tout en restant, d'accord, parce que tu vois à 180 degrés. Donc si tu vois quelqu'un arriver comme ça, tu empêches. Parce que peut-être qu'il était en train de parler et t'as pas vu. D'accord ? Et donc tu l'empêches de passer. Donc c'est pour ça qu'il se met proche de la sotra. D'accord ? Proche de la sotra. Faut pas que tu sois trop éloigné vis-à-vis de la sotra. Donc notamment. Et puis sallallahu alayhi wa sallam, il disait, les actes ne valent que par leur intention et chacun est rétribué de par son intention. ثم كان sallallahu alayhi wa sallam يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. Donc une fois qu'il s'est mis proche de la sotra, en position debout, il ouvre la prière en disant Allahu Akbar. D'accord ? En disant Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. En même temps qu'il disait Allahu Akbar, il levait ses mains. D'accord ? Il levait ses mains. Thumma yada'u al-yumna 'ala al-yusra fawqa sadrihi. Puis il plaçait sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. D'accord ? Donc là, c'est un résumé, mais après, il y aura toutes les preuves, on va voir dans le détail. D'accord ? Donc sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine. Et lorsqu'il levait les mains en disant Allahu Akbar, combien de fois on lève les mains dans une salette ? Combien ? 4. Très bien, barakallahu fik. Donc, cher Salah Al-Fawzan, Habib Allah avait été questionné sur ça. Combien de fois on levait les mains dans une prière, combien de fois on devait les lever? Donc c'est au nombre de 4. D'accord? Il avait répondu au nombre de 4. La première, c'est Takbirat al-Ihram, en disant Allahu Akbar, et on lève les mains en même temps qu'on dit Allahu Akbar. C'est quoi tu fais? Allahu Akbar. Comme tu vois, fais Allahu Akbar, tu lèves les mains. Et c'est pas comme certains on voit, ils font Allahu Akbar, et après on croit qu'ils appuient sur quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Subhanallah, tu vois. Donc c'est, tu dis Allahu Akbar, et ensuite tu poses. C'est la concentration, elle n'est pas que tu repousses les mains, je sais pas ce que tu fais. Hein. D'accord? Donc, première fois lors de la takbirat l'ihram, lorsque tu rentres dans la salette, donc soit tu dis Allahu Akbar. Donc les doigts, vous voyez les doigts aussi, ils sont un peu séparés comme ça là. Ils sont pas collés comme on le verra plus tard dans le sujoud. Ils sont un peu séparés, tu fais comme ça, tu dis Allahu Akbar. Soit tu lèves à la hauteur des oreilles, à la hauteur des oreilles. J'ai pas dit tu touches les oreilles comme il y en a, ils font. Ils sont comme ça, ils doivent toucher leurs oreilles. D'accord? Ça c'est une bédara ça, de faire ça. De vouloir toucher. On en voit, ils sont surtout chez les Turcs et puis chez notamment ceux qui suivent le madhab Hanifi, tu vois, qui sont souvent beaucoup en Europe de l'Est, tout cela, ils sont très Hanifi Maturidi, et donc ils veulent faire comme ça, d'accord? Donc ça fait pas partie de la sunna. La sunna c'est que tu lèves soit à la hauteur des oreilles, soit à la hauteur des épaules, d'accord? Soit à la hauteur des oreilles, soit à la hauteur des épaules. Donc tu dis Allahu Akbar. Et une fois que tu as fait la takbirat al-ihram, là tu vas reposer tes mains. Donc on a dit, il y a celle-là, ça fait un. Celle d'ouverture, tu dis Allahu Akbar. On a levé les mains. Ensuite, la deuxième fois qu'on lève les mains, c'est lorsqu'on va en recours, en inclinaison. Donc lorsque tu viens pour aller en inclinaison, tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar, et tu vas en inclinaison. D'accord? La troisième fois qu'on lève les mains, c'est lorsqu'on se lève de l'inclinaison. On dit Allahu Akbar. D'accord? Et la quatrième fois qu'on lève les mains, c'est après avoir fait le premier tashahhud. D'accord? Lorsqu'on est en train de se lever, on lève les mains. D'accord? En revenant debout. D'accord? Donc ça fait 4. D'accord? Voilà que le fait. Donc, lorsqu'il débutait la prière, il dit Allahu Akbar en levant ses mains avec le takbir. D'accord? Puis il pose la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. D'accord? Et comme on verra par la suite, les deux hadiths sont authentiques, sahih. Et notamment rapportés. On trouve cela dans le Muwatta de l'imam Malik. C'est impressionnant hein, de vous lire ça dans le Muwatta de l'imam Malik, alors que tous ceux qui se disent Maliki refusent d'appliquer ces deux hadiths qui sont dans le Muwatta de l'imam Malik. Mais ils posent leurs mains le long de leur corps. Ils priaient toujours comme ça. Ouais. Pendant Ramadan, ils priaient comme ça, et au milieu de Ramadan, ils commençaient à prier comme ça. Alhamdoulilah. Ouais. Et puis, j'ai remarqué qu'en fait, quand il est en jama, il prie comme ça, et quand il est au sol, il prie comme ça. Ah. Donc. Mais faut lui demander yani, pourquoi yani, il fait ça doit être une des quatre écoles. Il fait cela, non, mais non. C'est juste. Même si c'est pas. C'est pas l'école malikite, oui. En tout cas. L'imam Malik, c'est poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Et en plus, le cheikh Mohamed Amel Jami, rahimallah, il a été questionné sur cette pratique de laisser les mains saldan, ça veut dire le long du corps dans la prière. Et il a répondu, ceux qui font cela, ce ne sont pas des Maliki, mais ce sont des Qasimiyin. Parce qu'Abul Qasim, Ibn al-Qasim, c'était un élève de l'imam Malik. Et c'est lui qui a mentionné le sadl. D'accord? C'est lui qui a mentionné le sadl. Après, Allahu a'lam, concernant cette histoire-là sur l'imam Malik, sur le fait que il a été, je ne connais pas son authenticité, il serait rapporté que il aurait été châtié par le gouverneur sur ses bras, et c'est bien qu'il ne pouvait plus lever, il ne pouvait plus lever les bras pendant la prière. Donc, et même s'ils utilisent ça, on leur dit d'une part, l'imam Malik rahimahullah, les deux hadiths authentiques qu'il a rapportés dans son Muwatta sont sur le fait de poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Même après qu'il a eu ce châtiment-là sur ses bras-là, il n'a pas dit eh bien prier avec les bras le long du corps. Non, c'est parce que lui déjà, il avait un empêchement, il ne pouvait pas lever les bras. Il ne pouvait pas, Eri, il ne peut pas lever les bras, tu vois. Mais toi, tu peux. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu ne peux pas me dire, ben non, moi je fais comme si que j'ai eu un châtiment sur mes bras, comme l'imam Malik, et puis je veux rester après. Subhanallah, non. D'accord? Donc, il n'y a aucun hadith authentique, ni faible, ni inventé, concernant le fait de laisser les bras. Par rapport à ça, l'imam Malik, qui relâchait les bras, ça vous pouvez trouver sur YouTube. Et ce sera Souleymane Rouhani qui en parle. Ouais. Il dit Souleymane Rouhani ça. Il dit lâcher les bras parce qu'il s'est fait, il s'est fait corriger. Voilà, donc c'est ça. Barakallahu fik. Barakallahu fik. J'ai trouvé moi ça en PDF. Plusieurs versions. Non. Mais traductions différentes. Mais ils ont tous les deux hadiths là. Et... Non. Donc c'est ça. Donc il n'y a aucun hadith, ni qui soit, ni authentique. Donc il n'y a ni sahih, ni authentique. Parce que l'authentique, ça regroupe le sahih, le bon. D'accord, le jaïd. Donc aucun hadith authentique. Aucun hadith faible et aucun hadith inventé concernant cela. D'accord ? J'avais vu que même dans la biographie de Chernobyl, j'avais vu que même les chiites qui faisaient comme ça. Non. Il y a un groupe comme ça, des chiites. Bon, on n'est pas. Non. Mais il y en a plein, ils imitent les chiites pendant la prière sans s'en rendre compte. Il y a cette façon-là, le fait de laisser les bras le long du corps. Mais il y a aussi lorsqu'ils font le tachard et ensuite ils font. Comme ça. Ça, ce sont les chiites, le fait qu'ils lèvent les deux mains comme ça et qu'ils retapent sur leurs genoux. Ça, donc, ce sont les chiites, parce qu'ils disent que, en faisant cela, ils frappent Jibril, alayhi salam, pour s'être trompé, au lieu de donner le message à Ali, ils l'ont donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais ça, ce sont parmi leurs mensonges et leur manque de respect vis-à-vis d'Allah azza wa jal. Vous voyez l'égarement, où est-ce que ça mène, subhanallah. Eh, quelqu'un qui veut le haqq, qui veut la vérité, s'il est sincère dans cela, Allah Azza wa Jal le guidera vers la vérité. Ah. Moi, je disais la dernière fois à un frère, dernièrement, là, j'étais en Espagne, je recherchais où est-ce que je pourrais trouver une mosquée. Moi, je voulais prier à la mosquée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché une mosquée, J'ai trouvé qu'il y avait une mosquée pas loin de l'hôtel. Donc, je l'ai trouvé et j'y suis allé. Donc, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal m'a facilité d'avoir trouvé une mosquée là-bas. Donc, moi, j'ai recherché une mosquée. Et en faisant des efforts à rechercher cette mosquée-là, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal m'a facilité, j'ai trouvé cette mosquée-là. Et bien là, je peux faire un parallèle sur celui qui recherche la vérité. Alors, si moi, je ne recherche pas de mosquée, eh bien, je ne trouverai pas la mosquée. Je ne recherche pas de mosquée, je ne trouverai pas la mosquée. Et je resterai à prier à l'hôtel. D'accord ? Eh bien, c'est la même chose. Celui qui ne recherche pas la vérité, il ne la trouvera pas, écrit. Il ne veut pas la chercher. Donc, il ne la trouvera pas. Donc, non, j'ai pas envie de comprendre. Nous, on fait comme ça au bled, c'est comme ça. C'est pas normal. Allez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a plein, ils sont avec cette mentalité-là. Tu leur dis, écrit, le décron, groupe, le cela, tout cela. Mais ça ne fait pas partie de la religion. Oh, mais regarde, mais tout le monde fait ça au bled. Subhanallah. C'est pas une preuve. Si tout le monde était égaré, si tout le monde sautait dans le pont, on ferait pas. Donc, il va essayer de trouver une justificative, t'inquiète, une excuse. Non. Le fait d'aller au voyage. Non. On fait les prières dans la mosquée. Est-ce qu'on peut faire les prières complètement, pas des prières raccourcies? Si tu pries derrière l'imam, tu l'as fait complètement. Ouais. Et Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhallah, avait été questionné sur ça. Ceux qui sont en voyage, c'est pas en voyage, yani. Comprennent, lorsque j'étais en Espagne, c'est pas, je faisais pas du tourisme, c'était un déplacement professionnel. C'est pas, parce que c'est interdit dans la législation d'Allah Azza wa Jal de faire du tourisme dans les pays de Kufr. D'accord? Ça, c'est interdit, ça. Et Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, rahimallah, avait été questionné que ces individus-là qui font cela seront questionnés sur leur argent le jour de la résurrection. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, il sera questionné sur son argent, où il l'a eu, d'où il l'a eu et où est-ce qu'il l'a dépensé. Parce que faire du tourisme dans les pays de Kufr, c'est strictement haram. Déjà que notre présence ici dans le pays de Kufr est haram et qu'on se doit de faire la hijra, donc ce qu'il y a, c'est qu'on doit œuvrer, on doit renouveler chaque jour notre intention pour la hijra, d'accord ? D'aller vivre dans un pays musulman. Mais c'est pas, tu te dis, non, c'est bon, je peux vivre ici, il n'y a pas de problème. D'accord ? Si tu veux parfaire le désaveu du polythéisme des adeptes, il faut accomplir donc cet acte d'adoration, inshallah. Mais si tu pries derrière l'imam, tu pries derrière l'imam. L'imam, yani, doit être suivi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Donc on commence la prière, on ouvre en disant, on débute la prière en disant Allahu Akbar, en levant nos mains, donc soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules, puis on replace la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. D'accord ? Thumma yarmi bi basarihi nuhal ard. Puis, il met son regard en direction donc du sol. Et plus précisément, là où tu fais ta prosternation. Donc tu ne dois pas être... Parfois, il y avait un coup, je m'en souviens, subhanallah, au Royaume-Uni, j'en voyais un qui prie, il était en train de me regarder. Et je le regardais, je me suis dit peut-être qu'il va craindre Allah Azza wa Jal et il va se mettre à regarder vers le sol. Je me levais et il me suivait. Il faisait comme ça et il continuait à me suivre jusqu'à que je quitte. Je restais à le regarder et il... Subhanallah. Pas besoin d'aller en Angleterre. Ouais, oui, il y en a trop. Après Jumaa, il y en a beaucoup. Yani, Allah l'Ustan. Yani, tu peux pas. Déjà que nous, on a du mal à avoir du khushur dans la salette. Yani, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Déjà, on doit se donner les moyens pour essayer d'avoir ce khushur-là, cette crainte pieuse. On doit se donner les moyens. Déjà, tu dois rester à regarder là, yani, ton lieu de prosternation. Parce que si tu commences à regarder à droite et à gauche, tu vas être distrait, d'une part. Tu vas être distrait. Et la sunna, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Allah, il a dit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants de baisser leur regard, sachant qu'on doit être en prière comme on doit être dehors. Si on baisse pas le regard dehors, si on le baisse pas pendant la prière, comment on va le baisser dehors? C'est impossible. Mais ça, barakallahu fik, ça c'est dans le cas de préserver la chasteté, ça. D'accord? Pour rester pudique. Allahu a'lam, après, est-ce qu'il y a eu une explication des salaf salah concernant le fait qu'on peut rattacher ça à la salat? Allahu a'lam, je ne sais pas, il faut vérifier. Mais ça, c'est surtout concernant la pudeur. Parce que. Est-ce que c'est bien salamé qu'on peut regarder la Kaaba en même temps? On peut aussi regarder par terre? Allahu a'lam, je ne sais pas ça. Oui. Je ne sais pas ça, Allahu a'lam. Mais dans la salette, la base dans la salette, c'est que tu regardes des tas de prosternations. Est-ce que maintenant des savants se sont exprimés en disant qu'on pouvait? Je n'ai pas d'ilm sur ça, Allahu a'lam. C'est peut-être vrai, hein, mais il faut vérifier, inshallah, pour voir si ça s'est permis. Allahu a'lam. Donc, on regarde en direction du sol, et plus précisément au niveau du lieu de prosternation. D'accord? Thumma yastaftihu القراء بأدعية كثيرة متنوعة. Puis, il commence pas directement à réciter la Fatiha. Il commence à dire des invocations différentes. D'accord? Comme c'est rapporté, yani, dans les, vous pouvez retrouver ça dans, il y a le livre des invocations de Husn al-Muslim là. Vous voyez, où est-ce que ce qu'on dit avant de, yani, avant de réciter la Fatiha, yani, lorsqu'on débute la prière, que les invocations qui sont dites. D'accord? Donc ça, on les apprend et puis comme ça, on peut les varier. D'accord ? يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه. Donc il loue Allah Azza wa Jal. D'accord ? Il loue Allah Azza wa Jal durant ces invocations-là. ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. Puis il dit, une fois qu'il a dit ces différentes invocations-là, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. D'accord ? Je recherche refuge auprès d'Allah. Du diable lapidé. Ça fait pas partie de la pression. Ça c'est après avoir dit les invocations, d'accord? Tu te mets à dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. D'accord? Parce que tu vas commencer avec la fatiha, d'accord? Ça, c'est au début de la prière. Ça, c'est au début de la prière. Donc, tu fais takbirat l'ihram, tu commences à dire, donc tu regardes l'endroit du sol, tu mets ta main, tu as fait comme ça, tu as levé les mains, main droite sur main gauche sur poitrine, tu commences à dire les invocations, puis tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, et tu vas commencer la fatiha, d'accord ? Thumma yaqra bismillahir rahmanir rahim, puis tu dis, tu récites, bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وَلَا يَجْهَرُ بِهَا Mais tu ne le dis pas à voix haute. D'accord ? Tu le dis à voix basse. Et lorsque tu récites, c'est de quoi t'entendre toi. Mais tout en faisant attention que faut pas que ça gêne celui qui est à côté de toi. Tu vois ? C'est-à-dire faut pas que tu fasses Bismillahirrahmanirrahim. Là, ça, l'autre, il va entendre. Mais je vais faire comme ça, pour m'entendre moi. Je veux dire. Donc je m'entends. Il faut que je m'entende parler. Il faut pas faire comme on envoie, silence total, la bouche fermée totale. Tu sais même pas est-ce qu'il récite ou pas. Et après, il va te dire, je récite dans mon cœur. Non, tu dois faire bouger. La sunna, tu dois faire bouger. Quelle est la preuve sur ça, vous en souvenez? Les sahaba, voyez-les. Voilà, t'en souviens? La barbe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bouger lors des salats silencieuses. Donc, barakallahu fikum. Donc, il dit... à voix basse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, d'accord. Thumma yaqra al-Fatiha wa yaqta'uha ayatan aya. Donc il lit la Fatiha, mais en la récitant verset, il s'arrête par verset, il s'arrête. Tu vois, c'est-à-dire tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين tu vois tu t'arrêtes mais tu fais pas الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين la sunna c'est de s'arrêter comme j'ai fait au début tu vois c'est bien tu lis tu t'arrêtes un moment tu lis tu t'arrêtes un moment c'est que pour le fatiha pour le fatiha pour le fatiha d'accord pour le fatiha d'accord. Donc, tu lis verset par verset. Et on se rappelle que le Fatiha, elle a 11 shaddah. Il suffit qu'il en manque une, la prière est invalide. Parce que celui qui ne récite pas avec la Fatiha, la prière est invalide. Donc, si il te manque une shaddah, c'est-à-dire une shaddah... Barakallahu fik. C'est une répétition, la répétition donc de la lettre. Tu vois, lorsque tu dis... Alhamdulillah. Vous voyez comment j'insiste sur le lem de Allah. Allah. Je dis pas Allah. Je dis Allah. J'insiste sur le lem là. Et bien ça c'est que la lettre elle y est deux fois. D'accord. Mais il y a une shadda dessus et donc tu l'écris en une fois. Alhamdulillah. Rabbi. Sur le ba il y a une shadda aussi. Si tu dis Rabbi, t'as pas fait la shadda. Tu veux dire Rabbi, Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Sur le Ra, il y a une shadda. Donc, Nam, voilà. C'est que tu prolonges, Barakallahu fika Daoud. Donc, tu prolonges, d'accord. Mais c'est comment tu l'avais dit, c'est la répétition d'une lettre, d'accord. Tu prolonges, mais qui est écrite une seule fois avec le signe là, vous voyez, en shadda là. C'est-à-dire, comment je pourrais décrire ce chinois? Avec le nom d'Allah, il y a un truc voilà, comme un epsilon mis en, comme un epsilon mis en horizontal, pour ceux qui écoutent, parce que s'ils vont pas, peut-être s'ils connaissent pas la shadda. Comme un epsilon mis en horizontal, donc ça c'est la shadda. D'accord? C'est la répétition d'une lettre que tu écris une seule fois. Donc, il faut que toutes les shadda de la fatiha soient prononcées. S'il en manque une seule, eh bien la prière est invalide. D'accord? S'il manque une seule shadda, la prière est invalide. C'est pour ça qu'il faut bien s'assurer. Même lorsque tu récites verset par verset, ça te permet de toi de bien te concentrer sur cela. Et t'assurer que tu n'oublies pas une seule shadda. C'est sous condition que la personne est capable de le faire. Bien sûr, elle fait des efforts pour le faire. Mais par exemple là, elle ne peut pas dire ben, « je ne savais pas ». Parce que rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Une obligation. Deuxièmement, c'est obligé, On t'a pas demandé, par exemple, d'étudier le fiqh du commerce. Ça, c'est pas une obligation dans le cas où il y a quelqu'un déjà qui l'étudie et que tu peux te référer pour qu'il puisse te répondre. Mais dans les choses des fondements, le tawhid, tu es obligé de connaître le tawhid. Tu es obligé de connaître c'est quoi le shirk. Tu es obligé de connaître tout cela, le nifaq, c'est quoi. D'accord ? Pour ne pas être habité par l'hypocrisie. Tu es obligé de connaître le pur monothéisme. Tu es obligé d'être. T'es obligé de connaître tout cela. Tout comme tu es obligé de connaître tout ce qui te permet d'adorer Allah Azza wa Jal. La salette, tu peux pas dire, ben non, je savais pas, allez, j'ai l'excuse de l'ignorance. Non, tu es obligé. Le prophète Hassan m'a dit, sallu kama raitumuni salli, priez comme vous m'avez vu, priez. Donc si le prophète Hassan me l'a ordonné, donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit s'éduquer pour connaître. D'accord? Et pour savoir, notamment sur la Fatiha, subhanallah. Yani, pas de salat comme on va le voir par la suite, inshallah. Pas de salat pour celui qui ne récite pas avec la surat d'ouverture. Donc, si celui qui manque une shedda, donc, ça devient invalide. Moi, je parle de celui, donc, qui a la possibilité de bien. Je ne parle pas de celui qui fait les efforts, mais il a du mal. D'accord? Donc, craignez Allah au mieux que vous pouvez. Fattakullah mastata'tum, comme Allah Azza wa Jalla dit. Donc, il lit donc la Fatiha verset par verset. فَإِذَا انْتَهَى مِنَ الْفَاتِحَةِ قَالَ آمِينَ. Lorsqu'il termine la récitation de la Fatiha, il dit Amin. Et ça, c'est l'imam qui le dit et ce sont ceux qui sont derrière qui le disent. Même quand tu récites et que tu es seul. Et même lorsque tu récites et que tu es seul, tu dois dire Amin. Enfin, intérieur, c'est le fait qu'il reçoive un pardon. C'est que celui, c'est pas le fait que c'est en même temps de l'imam, c'est celui qui dit Amin en même temps que les malaïka qui sont présentes lors du Fajr et du Asr notamment. Mais qui sont présentes, les malaïka, les anges sont présents donc au premier rang. D'accord ? Et tout le bien qu'il y a dans le premier rang, alors parfois on voit hein, des frères, ils sont en train de s'excuser, vas-y toi. Et il veut rester derrière, subhanallah, il rate, subhanallah, le bien énorme qui est dans le premier rang, en disant vas-y, style, je vais rester à ma place, moi c'est bon, j'ai repéré, j'ai assez d'espace ici, je ne veux pas aller au premier rang, subhanallah. J'ai une question à poser. Par exemple, il y a un chef qui vient, et il y a une place devant, et toi tu peux y aller devant. Hajj qui vient, c'est dire quoi? Une personne, un hajj, comme tu as dit. Une personne âgée, tu veux dire? Est-ce que c'est permis de lui laisser la place? Par exemple, un hajj plus âgé que toi? Une personne plus âgée, tu veux dire? Ouais. Parce qu'on n'utilise pas hajj, tu vois. Pour quelqu'un qui est âgé, on ne le dit pas hajj. Ce n'est pas rapporté, ni dans la sunna, ni rien du tout. C'est les gens, par exemple, dès qu'ils vont au hajj, ils aiment se faire appeler oh hajj. Ça, c'est pas correct, ça. Hein. On n'appelle pas un vieux par exemple, bon ça c'est entre guillemets, mais quelqu'un qui est âgé on va dire, et même par exemple d'ailleurs, pendant que j'y repense, même les pères de famille on les appelle pas les darons, parce qu'en fait la définition de daron ça veut dire le chef des voleurs, d'accord? Donc, et dès qu'on dit ta daronne elle est où, c'est la chef des voleurs aussi, tu vois, donc c'est pour ça, donc ça ce sont des termes qu'on doit enlever, effacer, tu vois, Inch'Allah, Allah al-Musta'an. Donc, lorsqu'il y a une personne âgée qui vient, ben, il y a le respect, mais Ri, toi, t'es venu avant. Maintenant, on peut rejoindre les autres ahadiths dans le sens où est-ce que toi, eh bien, tu souhaites cette récompense-là pour ce frère-là. D'accord ? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Personne d'entre vous croira, le prophète Sarsel m'a dit, personne d'entre vous croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. D'accord ? Toi, tu aimes pour toi-même recevoir cette récompense-là. Donc, essaie de lui faire une place plutôt que de baisser complètement la place du premier rang. Tu vois ce que je veux dire ? Essaie de lui faire une place. Il y a moyen de faire une place. Il y a des frères, ils ouvrent leurs jambes comme ça. Et si tu rentres entre eux, tu peux mettre deux ou trois personnes, tu vois. Donc, essaie d'Inch'Allah de faire une place. Et parfois, ce qu'il y a, de quoi on peut se rendre compte dans certaines mosquées, c'est que lorsqu'il y a un rang, et la personne elle est venue en retard et elle est toute seule, elle va commencer à attirer quelqu'un du premier rang pour venir prier avec lui. Donc ça, c'est pas permis. D'accord ? Parce que le problème, c'est qu'il va y avoir un trou dans le rang. Et donc, le rang... Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas retirer le frère. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu essaies de t'insérer donc, dans le rang. D'accord ? Tu essaies de t'insérer dans le rang parce que tu peux trouver de la place. Ou sinon, tu attends. Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhallah, il avait été questionné sur ça. Donc... J'ai essayé de faire mon possible. La question c'était, j'ai essayé de faire mon possible pour rejoindre le rang, mais j'ai pas pu, j'ai pas trouvé de place. Et j'ai prié donc seul derrière. Quel est le statut de cela? Il a dit, eh bien tu recommences la prière. Parce que la prière est invalide lorsque tu es seul derrière. Cependant, tu vas pas retirer un frère du premier rang pour laisser un trou au premier rang. D'accord? Donc, il a dit, tu attends jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui vienne. Mais sinon, si tu fais la prière et que tu es seul derrière... Alors, une fois que tu as terminé, tu recommences la prière. Parce qu'elle est invalide, la prière que tu as priée seule derrière. Elle est invalide. Mais, pardon, Cheikh l'Islam Ibn Taymi, rahimallah, lui est de la position que si tu as fait les efforts et que tu n'as pas trouvé, voilà. Eh bien, elle est valide. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre les savants. D'accord ? Cheikh l'Islam, lui, dit qu'elle est valide parce que tu as fait les efforts et que tu n'as pas trouvé de place, donc tu as prié, donc elle est quand même valide. Mais Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est vrai que lorsque tu relis le hadith sur cela, le prophète Arsène n'a pas donné dans le cas où. Il a dit la prière de celui qui est derrière et qui est seul dans le rang, elle est invalide. Il n'a pas donné par exemple dans le... C'est pour ça que Cheikh Saleh Al-Fawzan a été strict sur cela. Et Allah est le plus savant. Donc revenons, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Sur la prière. Donc on est en station debout. On a fait... Donc on a l'intention, on est en direction de la Qibla, et on se rappelle que l'intention, elle doit inclure, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner ça, elle doit inclure la salette que tu vas faire. Dans ton intention, tu dois te dire dans ton intention, d'accord, à l'intérieur, que tu vas faire telle salette, qui est obligatoire, d'accord, que tu l'as fait sincère pour Allah Azzawajal, et que tu ne recherches que Allah Azzawajal de par cela. Ça doit être dans ton intention avant de commencer. Parce que les actes ne valent que par leur intention. D'accord ? Les actes ne valent que par leur intention. Donc on dit Allahu Akbar en levant nos mains, soit au niveau des oreilles, soit au niveau des épaules. On met la main droite sur la main gauche sur la poitrine. D'accord ? On regarde, donc on est en direction de la Qibla. Tout notre corps est dirigé en direction de la Qibla. Dès qu'on dit tout notre corps, ça veut dire même les pieds. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui ? Allah Musta'an. Il y en a, ils font cette erreur-là. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en prière, ils mettent leur pieds comme ça en canard. Donc là, les pieds ne sont pas en direction de la Qibla. D'accord ? Et là, tu ne peux pas savoir si ton rang il va être droit ou pas. Parce que comment tu peux savoir que ton rang est droit ? C'est au niveau des chevilles qui font l'axe du corps. Ça, c'est l'axe du corps, ça. Donc si je mets ma cheville contre la cheville du frère... on sera automatiquement droit. On n'a pas besoin de ces lignes-là, innovées là aujourd'hui, qu'ils mettent, tu vois, pour qu'il y ait là. Et ça, peu importe la taille du pied. Par exemple, vas-y, viens, Bekran. Bekran, je ne sais pas s'il a les pieds plus grands que les miens. Tu mets du combien ? 42, 43, je sais pas. 40, moi, je suis du 43, donc on aura la même taille. Je ne vais pas essayer de rechercher que je dois être à la même taille que là, comme ça. D'accord ? Bon, là, parce qu'on a... tu mets du coup, t'es plus petit en taille. 41, j'ai des petits pieds. 41, ben vas-y, viens. Donc là, ce qu'il y a, c'est que moi, je dois mettre cheville contre cheville, là. D'accord ? Cheville contre cheville, avec les pieds en direction de la rime, là. Donc, là, regarde, Giovanni, il a des pieds un peu plus petits. Donc, si je veux faire soi-disant comme ils font avec les lignes, là, donc je vais faire comme ça. Cependant, ma cheville, elle va arriver au niveau de son talon. Et regardez comment que je vais être. Je là. Voilà, ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que là, la ligne, elle n'est pas droite. Tu vois ? Alors que là, maintenant, si je mets cheville contre cheville, je me mets cheville contre cheville, cheville contre cheville, voilà, on est dans l'axe. Vous voyez ? Cheville contre cheville, direction de la Qibla. Et là, on est dans l'axe, vous voyez ? Donc, comme ça, la ligne, elle est droite, comme ça. Donc, si tu fais comme ça, ou si tu fais comme ça... T'as pas ton corps en direction de la Qibla. Tout ton corps doit être en direction de la Qibla. C'est-à-dire que même tes mains dans les prosternations ou même dans le tashahhud, tout doit être en direction de la qibla pendant la salat. Lorsque tu sors de la salat, là, vous voyez, tu tournes la tête lorsque tu vas plus être en direction de la qibla en tournant la tête. Donc là, tu quittes la salat. Donc, on a lu la Fatiha verset par verset, d'accord ? Et lorsqu'il a terminé de lire فَإِذَا انْتَهَى مِنَ الْفَاتِحَةِ قَالَ أَمِينَ, donc on prononce أَمِينَ, d'accord ? وَيَجْهَرُ وَيَمُدُّ بِهَا سَوْتَهُ, c'est-à-dire qu'il élève la voix en disant أَمِينَ, d'accord ? Là, dans les prières silencieuses, tu dis أَمِينَ, parce que c'est silencieuse. Mais dans les prières où est-ce que l'imam dirige la prière pendant le Maghrib, par exemple, Maghrib ou bien Aïcha, les deux premières rak'at du Maghrib, du Aïcha ou du Fajr, eh bien ce qu'il y a, c'est que tu ne dois pas rester silencieux. L'imam dit Amin, et puis, ou bien tu ne dois pas précéder l'imam lorsqu'il dit Amin aussi. D'accord ? Donc ce qu'il y a, c'est que tu dois dire Amin, et tu ne dois pas essayer de chercher à faire à l'unisson également. Il y en a, ils essaient de faire tous en même temps. Amin. Essayer de rechercher pour que je puisse être tous en même temps. Non, chacun le dit, sans rechercher l'unisson. Parce que le dhikr en groupe, il n'y a rien qui a été rapporté authentiquement sur cela. Il n'y a pas de dhikr en groupe, d'accord ? Donc tu le dis, Amin. D'accord ? Tu laisses un peu l'imam devancer à dire Amin. À peine il commence à dire Amin. Donc toi tu dis aussitôt après, mais tu ne le devances pas. D'accord ? Et tu ne cherches pas à le faire à l'unisson. Barakallahu fik. Thumma yaqra ba'd al-fatiha sura ghayraha. Donc il lit après une fatiha, donc une autre sura. D'accord ? Ou des versets d'une sura. Une fois que tu as terminé la fatiha, tu dis Amin, et puis après tu récites une sura après. D'accord ? Wa kana yutiluha ahyanan. Et après, et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé dans la récitation de la sourate, d'accord, allongé dans la récitation de la sourate qu'il est. Wa yaqsuruha ahyanan, et parfois il faisait court. Donc parfois il faisait une longue récitation, parfois il faisait une courte récitation. Donc ça dépendait des fois. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yajharu bil qira'a fi salat as-subh wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal 'isha ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute durant la prière du subh, ce qu'on appelle aussi le fajr, d'accord. Après il y a une divergence entre les savants, certains disent que le fajr c'est le subh, d'autres disent que le fajr correspond au sunan, d'accord. Donc dans la première prière du matin, le subh, il récitait à voix haute. Dans les deux premières rak'at du Maghrib et du Isha. D'accord ? Et il récitait à voix basse durant la prière du Dhuhr et du Asr et la troisième du Maghrib. D'accord ? Et les deux autres les deux dernières du Isha. Wa kana yajharu biha aydan fi salat al-jumu'ah wal-aidain. Et il récitait à voix haute également durant la prière du vendredi et également durant les prières des deux fêtes. D'accord ? Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Wa l'istisqa. Et également lors de la prière de l'istisqa, c'est-à-dire de la demande de pluie. D'accord ? Wa l'kusuf. Mais il récitait également à voix haute lors de l'éclipse. D'accord ? La prière qu'il faisait lors de l'éclipse. وكان يجعل الركعتين الاخرتين اقصر من الاوليين قدر النصف. Il يعني il faisait en sorte que les deux dernières rak'a étaient plus courtes que les deux premières. Donc les deux premières rak'a sont les récitations sont plus longues que les deux dernières. D'accord ? Et c'était un rapport de moitié. C'est-à-dire que les dernières étaient plus courtes de moitié comparées aux premières. D'accord ? qadra 15 aya. Et donc il récitait à peu près une quinzaine de versets. Wa rubbama iqtasara feehima 'ala al-Fatiha. Et parfois ils s'en tenaient à la Fatiha. D'accord ? Parce que réciter une autre sourate après la Fatiha, c'est pas dans les piliers de la salat. D'accord ? Si quelqu'un récite juste la Fatiha, sa salat est valide. D'accord ? ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Lorsqu'il a terminé la récitation, il ne va pas directement en inclinaison, mais il reste silencieux un moment. D'accord ? ثم رفع يديه, puis il lève ses mains, وكبر وركع, puis il lève ses mains en disant Allahu Akbar, et il va en inclinaison. D'accord ? Et il va en inclinaison. وكان يضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. Donc voilà comment il faisait, c'est qu'il disait, vous allez voir, donc il disait donc. Il a terminé la récitation de la Fatiha, la Surah. Il ne va pas directement, il ne dit pas Allahu Akbar, il va directement en inclinaison. Donc, il restait un moment silencieux. Et ensuite, il disait Allahu Akbar. Et comment que c'est décrit ? C'est-à-dire qu'il posait ses mains sur ses genoux comme si que il s'agrippait sur ses genoux. D'accord ? Et c'est sur les genoux qu'on les pose. Ce qui m'est arrivé de voir un frère où est-ce qu'il posait ses mains sur ses tibias. Et d'autres, ils faisaient comme ça. Et d'autres comme ça. Donc, ils ne savaient pas où. Mais c'est sur les genoux qu'on les pose. Donc, on agrippe comme ça les genoux. Les doigts, ils sont écartés. Et on pose sur les genoux. D'accord ? En se tenant sur les genoux. Et on fait une forme d'arc ici. Vous voyez ? Comme ça. Et là, c'est la corde de l'arc. D'accord ? Donc on s'agrippe sur les genoux, les doigts écartés comme ça sur les genoux. D'accord ? Et tout en regardant, bien sûr, l'endroit de prosternation. C'est à quelle heure qu'on a commencé ? 6 heures, je crois. Non, plus tard, quand même. 10, peut-être ? Ouais, 10, 10. De toute façon, on va savoir ça tout à l'heure. Une heure, ça fait 1h08. On va terminer la description de la prière, Inch'Allah. Comme ça, la semaine prochaine, on fera les piliers de la prière. Inch'Allah. وكان يجافي مرفقيه عن جنبه ويبسط ظهره ويسويه. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il ne laissait pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes comme ça, il ne faut pas faire comme ça. D'accord ? Il ne faut pas coller en fait, les coudes au corps. Il faut les écarter du corps. D'accord ? Et on met le dos bien droit. C'est comme ça va être décrit, c'est comme si tu mettais de l'eau, ça reste normalement stable. Donc, si tu fais comme ça, ton dos il est courbé. Tu vois ? Si tu fais comme ça, ton dos il est courbé. Tu es comme ça ou comme ça, tu ne peux pas coller. Donc, il faut que tu sois, tu te rappelles comme avec, ici c'est la corde et ça c'est le bois de l'arc là qui est courbé. D'accord ? Reste du corps. Donc ça te fait comme si un arc. Et donc tu es comme ça. Donc tu essaies donc d'être le plus droit possible en regardant. Et donc il mettait droit donc son dos. حتى لو صب عليه الماء لاستقر. C'est-à-dire que même si de l'eau est versée dessus, donc ça reste dessus tellement que c'est le dos doit être droit. D'accord ? وكان يطمئن في ركوعه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. Et donc il devait يعني tu restes en inclinaison en étant apaisé. C'est-à-dire tu te précipites pas. Tu restes en inclinaison donc une fois que tu arrives. Allahu Akbar. Tu te mets en inclinaison, ça agrippe les doigts écartés au niveau des genoux. D'accord, on se rappelle avec la forme de l'arc. Et tu restes comme ça et tu dis Subhan Rabb. Minimum, c'est trois fois. Après, tu peux augmenter. D'accord ? Après, tu peux augmenter. Et donc, il y a d'autres aussi types de dua que tu dis aussi lorsque tu es en inclinaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait la récitation du Coran pendant que tu es en inclinaison ou pendant que tu es en prosternation. Tu n'as pas le droit de réciter du Coran pendant que tu es en inclinaison ou en prosternation. D'accord ? Donc il y en a, ils vont te dire, oui, mais il y a des invocations qui sont dans le Coran. D'accord ? Mais le problème, c'est que tu vas réciter le verset tel qu'il est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la récitation du Coran en inclinaison et en prosternation. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمدا وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. Donc il était en inclinaison, d'accord, et il a dit Subhan Subhan Rabbil Adim, Subhan Rabbil Adim trois fois, et puis différents types d'invocations et de askar qu'il faisait. Puis, lorsqu'il se levait, il disait Sami Allah. Vous voyez, c'est écrit, c'est pendant qu'il se lève qu'il dit Sami Allah liman hamida. Donc il se lève, il dit tout en levant les mains en même temps. Sami Allah liman hamida. Et lorsque tu es en position debout, tu dis Rabbana alaka alhamd. Lorsque tu es en position debout. J'ai pas vu. Excuse-moi. C'est-à-dire que tu dis Sami Allah liman hamida pendant que je me lève et en levant les mains. D'accord ? Je repose ma main droite sur ma main gauche sur la poitrine et je dis Rabbana lak alhamd. Je dis Rabbana lak alhamd pendant que je suis debout. Donc, par exemple, dans le livre de l'imam l'Albani, rahimahullah, vous trouverez que il a fait un ijtihad concernant sur le fait que lorsque tu te relèves du recours, eh bien tu laisses tes bras le long du corps, parce que dans le hadith, est-ce que tous les os doivent revenir à leur place. Donc ça, c'est un ijtihad de Cheikh, l'imam l'Albani, rahimahullah, d'accord ? C'est un ijtihad. Cependant, il n'y a aucune preuve qui prouve que pendant la salat, tu laisses les bras comme ça. C'est-à-dire que si on te dit, et ce que j'avais dit à un frère un coup, j'avais dit, je vois que lorsque tu te relèves du recours, tu laisses tes mains comme ça. Est-ce que tu as une preuve sur cela ? Il n'y a pas de preuve sur ça. Il n'y a pas de preuve que tu laisses tes mains le long du corps. Mais comme on le verra avec le fait de lever l'index entre les deux prosternations. D'accord ? Tout comme il n'y a aucune preuve de laisser la main droite comme ça sur la cuisse. D'accord ? Bien, c'est la même chose. Il n'y a aucune preuve sur le fait de laisser les bras le long du corps. Les preuves qu'il y a, c'est le fait de poser la main droite sur la main gauche, sur la poitrine durant la prière. D'accord ? وكان ترة يزيد على ذلك. Donc il disait Rabbana lak alhamd lorsqu'il est en station debout, et parfois il augmentait, il disait d'autres choses en plus de ça. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Il y a différents types d'invocations, d'accord, qui sont lorsque tu es relevé, une fois que tu es relevé de l'inclinaison. D'accord ? ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة. D'accord. حذوا منكبيه وأحيانا حذوا أذنيه. Donc, avant de passer à la suite là, donc ça y est, il s'est relevé. Sami Allah liman hamida. Rabbana lak alhamd. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Ça dépend, il y a différents types. Hein. Puis, il va en prosternation. Allahu Akbar. Donc, lorsqu'il descend en prosternation, il descend d'abord avec les mains. Il y a une divergence entre certains savants sur est-ce qu'ils descendent d'abord avec les genoux, d'abord avec les mains, d'accord. Mais l'avis générale de la majorité des savants, c'est qu'il descend avec ses mains, d'accord. Il descend avec ses mains, Allahu Akbar, tout d'abord, puis ses genoux. Et il voyait ses mains, comment qu'il les met. Il les met en direction de la Qibla et les doigts sont joints. D'accord ? Les doigts sont joints, tous les doigts sont joints et c'est en direction de la Qibla. Et soit c'est au niveau des épaules que les mains sont mises, c'est-à-dire je suis comme ça, ou soit c'est au niveau des oreilles. D'accord ? Donc soit c'est au niveau des oreilles, soit c'est au niveau des épaules. Mais dans les deux cas, tous mes doigts sont en direction de la Qibla et je n'ouvre pas mes doigts, je dois les laisser fermés. Je dois pas être comme ça. Sinon le pouce, il est plus dans la direction de la Qibla. D'accord, tout doit être, voilà, tout est fermé. Ouais, quand on fait le takbir, c'est soit aux épaules, soit quand on est debout. C'est pareil quand on est... Ça, c'est pour le soujoud, hein, d'accord. Pour le soujoud, lorsque tu poses tes mains pour le soujoud, soit tu les mets, donc tu descends d'abord avec tes mains, soit tu les mets à la hauteur, vous voyez, c'est hauteur de mes oreilles, là, ou soit hauteur de mes épaules. D'accord. Donc, que ce soit hauteur de mes oreilles ou hauteur de mes épaules. Donc, et tout reste en direction de la Qibla. D'accord. Avec les doigts fermés. Barakallahu fikoum. Wa yumakkin anfahu wa jabhatahu min al-ard. Wa kana yaqul umirtu an ajjuda ala sab'ati a'dhumin. على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. Puis il posait, lorsque tu poses, là tu vas poser ton front et tu dois poser ton nez. Parce qu'il y en a, ils sont comme ça, regarde. Ils sont comme ça. Tu vois ? Ils posent en fait sur le haut et ils ne touchent pas. Leur nez ne touche pas le sol. Donc la salat est invalide là. D'accord ? C'est-à-dire qu'il pose comme ça et il doit s'assurer que donc le front et le nez touchent le sol. Le front et le nez touchent le sol, d'accord ? Et il a dit, j'ai été ordonné de me prosterner sur cette eau. Sur cette eau. Os, pluriel eau. J'ai été ordonné de me prosterner sur cette eau. À la jabhati. Donc, lorsque tu lis, c'est sur le front. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ashara biyadihi ala anfihi. Donc, il a dit sur le front en montrant son nez. Donc, sur le front et le nez. Donc, ça fait un. Front et nez, ça fait un. Donc, il a été ordonné de se prosterner sur cette eau. Sur le front et le nez. Donc, ça fait un. Wal yadayn. D'accord. 1, 2, 3. D'accord. Warrukbatayn, les genoux. Donc front nez, ça fait 1. Les deux mains, donc ça fait 3. Les deux genoux, ça fait 5. Wa atraf al-qadamayn. Donc 6, 7. Les deux pieds. Et les deux pieds, vous voyez les deux pieds. Donc, on ne les met pas comme ça. Parce que tout doit être en direction de la Qibla. Donc, ça veut dire que, en direction de la Qibla, je dois les mettre comme ça. Et je dois les joindre. D'accord ? Comme on le verra plus tard, Inch'Allah, Aïcha radhiyallahu anha décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait de nuit, il joignait ses pieds durant la prière. Comme ça. Donc, tu n'es pas comme ça. Comme ça, là, comme ça que tu pries, ou subhanallah, tu es comme ça. Donc, et puis vous voyez les pieds comment ils sont pliés là, les orteils, ils sont en direction de la Qibla. Les genoux, les mains, tout est en direction de la Qibla, vous voyez. Et je suis comme ça. On s'assure que le nez touche le sol. Pourquoi ? Wa kana yaqul la salat liman la yusibu anfuhu min al-ard ma yusibu al-jabin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après avoir décrit les sept hausses qui touchent le sol, il a dit, pas de salette, pas de prière pour quiconque son nez ne touche pas le sol, tout comme son front. D'accord ? وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي سُجُودِهِ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى. Et il restait apaisé durant sa prosternation en répétant سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى. D'accord ? ثَلَاثًا, trois fois. D'accord ? وَكَانَ يَقُولَ أَنْوَاعًا مِنَ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ تَارَةً هَذَا وَتَارَةً هَذَا وَكَانَ يَأْمُرُ بِالِاجْتِهَادِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الرُّكْنِ. Donc il disait différentes. Donc déjà il disait Subhan Rabbil A'la trois fois, puis il disait de nombreuses invocations, d'accord. Et il encourageait à ce que on fait beaucoup de doigts. Parce que vous savez dans l'autre hadith, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'on était plus proche d'Allah Azza wa Jal dans en prosternation et qu'il fallait dire le plus de d'invocations, d'accord. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'en prosternation tu es plus proche d'Allah Azza wa Jal, et que tu dois augmenter en termes d'invocation. Tu invoques Allah Azza wa Jal. En espérant que l'imam, il ne va pas prendre le train. D'accord ? Parce que parfois, subhanallah, tu as limite le temps de dire Subhan Rabbil A'la. Ouais, il n'y a pas. Une fois, tu n'as pas le temps de réciter la fatiha. Mais tu es à peine comme ça, c'est subhanallah. Une fois, je suis là, je n'ai même pas la moitié de la fatiha. Moi, je ne comprends pas ça, honnêtement, subhanallah. Yani, tu es venu pour prier, tu n'es pas venu pour prendre le train. Yani, Allah Musta'an. Et est-ce qu'on s'en rend compte, quoi ? La prière, Allahu Akbar. Elle a été légiférée, elle a été obligatoire, légiférée par Allah Azza wa Jal, au septième ciel. C'est pas rien, quoi. Subhanallah. Déjà, tout ce qui a été révélé par Allah Azza wa Jal, c'est pas rien. Donc, c'est pour ça qu'on dit pas, mais non, c'est pas important ça. Tout est important dans la religion. Tout est important. Tout ce qui a été révélé du haut des sept cieux par Allah Azza wa Jal est important. Il n'y a pas d'épluchures comme les égarés ils disent. Vous insistez sur les épluchures, sur comment tu mets le doigt là, comment tu est-ce que tu lèves le doigt ou pas. C'est des épluchures ça. Subhanallah. Yani, subhanallah, c'est révélé par Allah Azza wa Jal du haut des sept cieux. Le Coran et la Sunna sont les deux révélations. Tu ne peux pas dire que ce sont des épluchures. Donc certes, tout est important. D'accord ? Et on se doit, yani, de donner de l'importance, notamment à la salette, lorsqu'on y est. Subhanallah. Allah al-Musta'an, qu'Allah les guide et nous guide, parce qu'il y en a, ils viennent, alors ils se mettent à faire des récitations pour faire écouter leur voix, regardez que je te chante le Coran, hein? Subhanallah. Et après c'est à la vitesse de la lumière. Moi je ne suis pas étonné de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné sur ce, parmi les signes de la fin des temps, parmi les signes mineurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, bil a'mal sitta, il y en a œuvré dans les bonnes actions avant qu'arrive. Six choses. Imrat al-Sufaha, la femme des gens qui sont mauvais. Wa kathrat al-Shurat, ou l'augmentation des forces de l'ordre et de police et tout ça. D'accord ? Wa qati'at al-Rahim, le fait de couper les liens de parenté. Badiru bil-A'mal khisal al-Sitta, Imrat al-Sufaha, wa kathrat al-Shurat, wa qati'at al-Rahim, wa bay' al-Hukm, et le fait de vendre un jugement. Les pots de vin pour essayer qu'ils jugent en ta faveur. Hein? Et le fait de rendre le sang à vil prix. C'est-à-dire que jusqu'à, comme dans Hadith, jusqu'à ce que celui qui tue ne sait pas pourquoi il tue, et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. Donc le sang est devenu à vil prix. D'accord ? Et le sixième, et il y aura des gens qui vont prendre le Coran comme des instruments de musique. يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ, ils vont faire avancer l'homme. لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا أَعْلَمِهِمْ, il n'est pas de ceux qui a le plus de science qu'eux, ou bien qui connaît mieux le faire qu'eux. مَنْ يُقَدِّمُونَهُ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ, ils le mettent devant juste pour qu'il leur chante le Coran. Subhanallah. Et ça c'est rapporté par l'imam Bukhari dans le Sahih, dans le livre Al-Tarikh. Donc vous voyez, donc lorsqu'on est en sujoud, tous les membres doivent être en direction de la Qibla. D'accord ? On insiste surtout parce que c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de prier comme on l'a vu prier. Mais comme disait le Cheikh Salah al-Fawzan, Comme on avait vu la semaine dernière, ce qu'il disait, Hafidhullah, il disait ceux qui. Barakallahu. La semaine d'avant. Ah oui, c'est vrai, là, j'étais pas la semaine dernière. Non. Mais ceux qui l'ont vu prier, donc ils le prient comme ils l'ont vu prier. Mais nous, comme on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on se tient sur les hadiths authentiques. D'accord ? Pour prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Et quelqu'un, il ne peut pas venir, comme on disait tout à l'heure, il ne peut pas venir en disant « Ouais, mais il y a peut-être des hadiths qui n'ont pas été rapportés. » D'accord ? Quelqu'un, il vient, il te dit, tu lui dis « Ouais, mais il n'y a aucun hadith sur ça. »« Ouais, mais il y a des hadiths, tu sais que l'imam Bukhari, comme on disait tout à l'heure, il avait rapporté 300 000, il n'en a gardé que 70 000. » D'accord ? Donc peut-être que parmi ceux-là, il y en a qui pourraient nous permettre de faire nos bédas. « A'oudou billah. » Donc il y en a, tu vois ? Mais tu leur réponds par le fait, comme on disait tout à l'heure, que Allah Azza wa Jalla, il préserve cette religion. Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, le Qur'an, et c'est nous qui le préservons. Donc Allah Azza wa Jalla protège et préserve sa religion. Et cette religion-là, elle est complète, il n'y a rien qui manque. Tout le bien est dans le suivi de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu t'accroches, Ekhi, à sa voix et à la voix de ceux qui l'ont suivi à la perfection, les sahaba, les tabi'in et atba'i tabi'in et tous ceux qui les ont suivis à la perfection, alhamdoulilah, Ekhi, tu t'accroches au haq, à la vérité. C'est ça, il n'y a pas d'autre voie. Les autres voies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que sur la tête de chaque voie, il y a un shaitan qui invite les gens à les suivre. Alors, comme dans le hadith qui est apporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Donc, la religion, elle est complète et préservée. Donc, alhamdoulilah, il n'y a rien qui manque. Tout le corps en direction de la Qibla, en prosternation, on dit Subhan Rabbil A'la trois fois et on dit le plus d'invocations que l'on peut en étant sincère, en invoquant Allah. Et non pas on invoque Allah alors qu'on a la tête ailleurs en pensant à notre dunya et tout cela. Il faut qu'on soit sincère dans ce qu'on invoque. Allah al-musta'an. Wa kana ya'muru bil ijtihad wal ikthar min ad-du'a fi hadha ar-rukn. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait de faire des efforts à dire énormément d'invocations pendant ce pilier. Thumma kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u ra'sahu mukabbaran thumma yafrishu rijlahu al-yusra. Donc, on était en prosternation, d'accord ? Une fois qu'il a terminé la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il dit Allahu Akbar pendant qu'il se lève, et il s'assoit sur sa jambe gauche. Pose sa jambe gauche et il s'assoit dessus. Et le pied droit, vous voyez ? Les orteils sont en direction de la Qibla. Je reste constamment en direction de la Qibla. Je suis assis sur ma jambe gauche et, d'accord, mon pied est en direction de la Qibla. Donc il n'est pas permis de s'asseoir comme ça, comme on en voit certains. Il s'assoit comme ça, vous voyez, en mettant comme ça. Et il n'est même pas assis sur ses jambes. D'accord ? Il est directement en contact. Tu dois t'asseoir donc sur ta jambe gauche en mettant tes orteils en direction de la Qibla. Non. Après chacun selon bien sûr sa capacité. S'il ne peut pas prier assis, il prie yani, debout, il prie assis. S'il ne peut pas assis, il prie. Chacun en fonction yani, de ses possibilités, il craint Allah le plus, le mieux qu'il peut. D'accord ? C'est-à-dire, c'est pas par exemple, moi je ne dis pas, comme on peut le voir, des mosquées qui vont finir par A'oudou billah. Vous voyez les bancs dans les églises, A'oudou billah, remplis de chaises partout. Les gens, ils ont la capacité de se tenir debout. Et qu'est-ce qu'ils font ? Je prends une chaise, je m'assois. Subhanallah. Il y en a qui sont handicapés, qui souhaiteraient faire la salette et se prosterner pour Allah Azza wa Jal. Et ils regrettent le temps qu'ils étaient dans la désobéissance à Allah et ils ont été handicapés et ils ne peuvent plus se prosterner. Et celui-là, il est en bonne santé et il refuse de se prosterner, il veut assis. C'est quoi ça ? A'oudou billah. Vous voyez le problème, c'est quoi ? À chaque fois... Le problème de cette communauté-là, c'est lorsqu'elle veut ressembler au kuffar. Le problème, il est dans là. Tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tattabi'unna man kana qablakum » Vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédé. « Shibran bi shibr wa dhira' bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabban la tab'atumuhum » vous les suivrez, les traditions de ceux qui vous ont précédé, dans tout. Coudé après coudé, empan après empan, même s'ils rentraient dans un trou d'un lézard, t'imagines un trou de lézard ? Même si eux, ils rentrent dans un trou de lézard, vous ferez votre possible pour rentrer dans ce trou-là. Les sahabes ont dit, « Mais dit Rasulallah, al-Yahoud ou al-Nasara, qui donc ont envoyé d'Allah ? Les juifs et les chrétiens, on va suivre comme ça ?» Le prophète Hassan a répondu, « Faman, qui alors ?» Vous voyez ? Donc, tac, oui, prier ainsi. Oh, tiens, il prie ainsi. C'est pas mal ça, tiens, ça va éviter de faire des plis sur mon genou. Subhanallah. Quelqu'un, il meurt ? Au bled, c'est comment ? Il meurt, 40 jours après, hop, on refait un repas. 40 jours après, ça vient de chez les chrétiens, ça, chez les kofar. Parce que 40 jours après, ils organisent un repas pour le mort. Subhanallah. Yani, dans la majorité des choses, c'est les imitations aux kofar. Allah al-Musta'an. Donc il se relève, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? De la prosternation, et comme on a vu, c'est à quelle heure ici le mort là ? Parce que là je vois qu'il est 19h15. Ah non, attends, ils l'ont pas affiché. Ils l'ont pas affiché parce qu'en fait, c'est moi qui leur ai donné le calendrier. Je l'ai envoyé, hein ? 45. Il est 41 là, non ? Donc sinon on va s'arrêter à la prosternation là parce que ça va être la salette. Mine de rien ça prend du temps, hein, subhanallah. Donc on va s'arrêter. On va s'arrêter sur ce point là parce que je dois détailler une sunna qui est méconnue justement entre les deux prosternations. D'accord ? Et ça va prendre plus de temps, exactement. Lever l'index. Oui, j'ai lu sur cela. J'ai lu sur cela, mais vous savez, le cheikh Mohamed bin Salah al-Uthaymeen, rahimallah, c'est un grand faqih. Mais c'est une sunna qui est délaissée. Il a rapporté les hadiths sur cela, il l'a expliqué. Et donc c'est pour ça que là, on s'est arrêté sur le point qu'il se lève de la prosternation. Et donc il est dans la position assise, où est-ce qu'il s'assoit sur la jambe gauche, le pied droit, avec les orteils en direction de la qibla. D'accord. Et donc on va détailler en fait la semaine prochaine bismillah. Donc je vais noter ici la semaine donc prochaine bismillah. On va détailler sur le fait que lorsqu'on est entre les deux prosternations, donc assis, eh bien on lève donc l'index droit parce qu'il n'y a aucune preuve qui dit que tu mets ta main droite sur ta cuisse, tout simplement. Mais la preuve qu'il y a, c'est le fait de lever l'index. Donc voilà, que l'on fait comme ça, prenez que l'on veut, on veut que je sois là, il est là.